Si vous portez des lunettes ou des lentilles, vous devez voir ceci. Un médecin récompensé révèle une méthode. Thank you.